Donc, j'ai été invité par un groupe d'amis serbes et russes, d'ailleurs, à me rendre en Serbie la semaine dernière. Un voyage long et fatigant et instructif d'une semaine où nous sommes arrivés à Belgrade par avion, ce qui est normal, mais après nous avons pu, grâce à une ONG française, nous déplacer, parce que nous avions des plaques françaises, ce qui est une condition nécessaire là-bas, au Kosovo et notamment visiter les diverses enclaves serbes du Kosovo. Ce voyage est intéressant parce que c'est très éclairant pour ce qui attend peut-être la France de demain si nous ne réagissons pas intelligemment à ce qui se met en place aujourd'hui dans la stratégie éternelle de l'Empire qu'on appelle diviser pour régner. Voilà. J'ai vu là-bas deux choses qui me font penser très fort à la France. Et un, j'ai vu chez les Serbes un peuple uni, conscient de son histoire, c'est-à-dire une nation qui s'appelle la nation serbe, même si elle a souvent eu des problèmes de territoire, et qui visiblement est l'entité nationale qui pose le plus de problèmes à l'Empire dans les Balkans, c'est-à-dire des gens qui ont une conscience, une capacité de résistance, un peuple fier, difficile à, comment dirais-je, à démolir, entre guillemets. J'ai vu aussi par ailleurs ce qu'on appelle le Kosovo aujourd'hui, qui fait partie de la Serbie, puisque je crois que selon les règles même établies par l'ONU, le Kosovo n'existe pas. Mais ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que les Américains ont mis des règles en place qu'ils ne respectent même plus eux-mêmes. Donc nous sommes allés au Kosovo, à la fois faisant partie de la Serbie et en même temps prétendant être un pays indépendant depuis quelque temps. Et là, j'ai vu quelque chose de très étonnant. Je suis allé dans un pays soi-disant musulman où j'ai vu des gens musulmans agiter des petits drapeaux américains et être totalement pro-américains, ce qui est très étrange par rapport à la propagande que nous subissons et à la vision qui est la nôtre en France, où aujourd'hui on nous dit en gros que il y a l'Amérique qui est l'empire du bien et puis il y a le terrorisme guidé par les fascistes verts et qu'en gros selon la théorie du conflit de civilisation, il y aurait donc le monde occidental et le danger islamiste. Or là, j'ai vu au Kosovo des gens qu'on nous présente comme des musulmans, qui sont 100% pro-américains, pro-occidentaux, et qui surtout d'ailleurs ne sont pas des musulmans tels que nous en voyons en banlieue parisienne. Ce qui est assez étrange, c'est que pour voir un barbu et une femme voilée, il a fallu que je descende de l'avion à Roissy. Je n'en ai pas vu un seul au Kosovo. J'ai par contre vu des gens avec du gel dans les cheveux, comme dans les pubs Studio Line, tout en langue anglaise, et rêver les yeux grands ouverts d'Hollywood et du grand rêve occidental. Voilà ce que j'ai vu. En regardant de plus près, j'ai vu un espèce de territoire étrange où il y a une occupation militaire permanente et variée, essentiellement américaine, mais aussi de la CAFOR, des troupes indonésiennes, des troupes ukrainiennes, enfin c'est-à-dire un pays entièrement quadrillé par des militaires, une population qu'on nous présente comme kosovarde musulmane, rêvant de consommation occidentale à l'américaine et buvant de l'alcool et étant habillée avec des tenues totalement fashion victime à l'occidental. Donc je n'ai pas vu un barbu, mais pas un seul, pas vu une djellaba, pas vu un foulard à aucun moment, hein, tu peux me le confirmer. Et pourtant nous sommes allés dans une ville kosovarde musulmane importante où il y avait la mosquée la plus importante du pays. Et donc ce que nous avons vu, c'est, je le dis clairement parce que nous avons traversé ce Kosovo de long en large, c'est des stations-service partout, mais des stations-service toutes neuves comme il y en a sur les autoroutes en France, tous les 400 mètres, ne correspondant à aucun marché et à aucune nécessité, c'est-à-dire des routes pratiquement défoncées avec des vieilles bagnoles pourries, des charrettes avec des ânes, et tous les 400 mètres, des énormes stations-service de 20 pompes, comme on en voit sur les autoroutes de France. Par ailleurs, j'ai vu des mosquées toutes neuves, blanches, immaculées sur le style wahhabite, qui n'ont strictement aucun rapport avec les mosquées qui existent par ailleurs, historiques, qui existent sur ce territoire du Kosovo, qui sont des mosquées de style turc, hein, et qui sont très très très très différentes architecturalement. Ces mosquées étaient vides. Hein. Et en essayant d'approfondir la question et en rencontrant notamment un intellectuel kosovar musulman correspondant de l'AFP française, j'ai vu arriver à moi un grand type blond aux yeux bleus qui se présentait donc comme kosovar musulman et qui a reconnu tout à fait honnêtement que le Kosovo était une fabrication européenne qui d'ailleurs lui l'intéressait parce qu'il rêvait d'Europe, il rêvait d'espace Schengen et qui était un espèce de montage totalement absurde et sans aucun lien avec la réalité de ce territoire, fait d'occupation militaire américaine, de mafia albanaise, de blanchiment d'argent via notamment les stations-service et les motels saoudiens, et de mosquées vides ne correspondant pas à l'islam du pays, qui est un islam un peu comme notre catholicisme contemporain, c'est-à-dire héritage culturel assez débouchant sur très peu de pratiques. Voilà. Et ça a été un assez grand étonnement parce que je repensais au texte enfiévré notamment d'un collègue à moi et adversaire, il s'appelle je crois monsieur Dantec, qui nous expliquait il y a quelques années que pour faire rempart notamment à la destruction des églises orthodoxes dans les Balkans, il fallait s'appuyer sur l'armée américaine. Je crois que c'était la version qui était d'ailleurs celle des identitaires à l'époque et de sites comme subversive.com, etc. Et là, j'ai vu effectivement des Kosovars de confession musulmane mais pas pratiquants agiter des drapeaux américains, parler anglais. La monnaie d'ailleurs valable circulant là-bas étant l'euro, alors que en Serbie c'est le dinar, ce qui est assez intéressant. Une population très jeune d'ailleurs kosovarde qui me fait douter d'une purification ethnique de masse parce que j'ai jamais vu autant d'adolescents aller boire des coups et parce qu'on y allait le vendredi soir et le samedi soir c'était la fête dans les rues, c'était que des gamins habillés en, on se serait cru à Carnaby Street plutôt, vous voyez, c'était la mode anglaise, et des gens effectivement comptant en gros sur l'Union Européenne pour pérenniser leur existence tout en sachant que pour l'instant il n'y avait aucun rapport entre les investissements en infrastructures qui étaient faits, essentiellement des motels vides et des stations-service inutiles qui en fait visiblement correspondent à une connivence entre les Saoudiens et la mafia albanaise pour faire du blanchiment d'argent, avec en plus un non-dit et certains bruits sur certains produits venant des champs de pavots d'Afghanistan via l'armée américaine et qui seraient redistribués par cette mafia albanaise pour financer des choses assez occultes, c'est-à-dire on voit qu'il y a un peu comme dans les... et là d'ailleurs je ne suivrai pas M. Chemidad, comme quand on a voulu liquider le fascisme italien ou la puissance américaine, comme souvent, s'est appuyée sur la mafia. Et il faut savoir que Mussolini, on peut quand même porter ça à son crédit, avait liquidé totalement la mafia, comme quoi c'est une question de volonté politique, et qu'elle a été remise entièrement en selle par le pouvoir américain. Et là, nous avons la même chose au Kosovo, c'est-à-dire l'Ucheka, c'est la mafia albanaise, effectivement, qui travaille la main dans la main avec l'occupant américain, et visiblement, il y a des intérêts... il travaille la main dans la main avec le pouvoir américain, l'armée américaine, les Saoudiens... pour faire une espèce de truc basé sur le blanchiment d'argent, visiblement le recyclage d'opium venu d'Afghanistan, à mon avis directement dans les camions de l'armée américaine, comme dans ce film que vous aviez vu qui s'appelait American Gangster, où on nous montrait, parce que c'était un noir, comment le trafic d'héroïne passait par l'armée américaine au moment du Vietnam. Le film est sorti à mon avis parce que c'était un noir. Le flic d'ailleurs qui l'attrapait portait une étoile de David, c'était assez bien fait, c'est-à-dire qu'on avait le gentil juif et le méchant noir. C'était politiquement correct, mais là à mon avis c'est un peu le même système. On voit donc du blanchiment d'argent, du trafic, un pays qui n'existe pas autrement que par l'occupation militaire et par de la mafia, une population qui rêve d'Amérique et d'Europe complètement inconsciente des dangers qui sont les siens. Parce qu'il est évident, et en parlant avec cet intellectuel, je l'ai vu blêmir quand je lui ai dit, mais comment pensez-vous que le Kosovo puisse durer longtemps, compte tenu du côté complètement artificiel de sa construction ? Il m'a dit, nous comptons sur l'aide et l'appui de l'Union européenne. J'ai dit, mais est-ce que vous avez conscience que l'Union européenne, ça n'existe pas ni politiquement, ni militairement, et que le jour où les Russes décident de ne plus laisser faire les Américains dans les Balkans et de renouveler l'opération géorgienne. Les Américains s'en iront et l'Union européenne sera inexistante comme elle l'a toujours été. Et vous vous retrouverez face aux Serbes avec là, comment dirais-je, le feu vert des Russes. Et là, je l'ai vu changer de couleur. Je dis, nous savons, Européens, que l'Union européenne n'existe pas. Et je crois malheureusement que les élites kosovardes ont cru, sans doute grâce au baratin de Kouchner, effectivement que l'Union européenne les protégeait, avait un projet pour eux, un projet de développement, à la fois soutien économique, politique, diplomatique et militaire. Et malheureusement, en discutant par ailleurs avec des patriotes serbes, ils m'ont bien dit, nous, on vivait en bonne intelligence avec ces kosovars qui ne sont jamais que des gens qui ont été convertis à l'islam, mais qui ont toujours été là et qui ont été convertis par les Turcs dans ce pays qui a été sous influence multiple, et nous vivions en bonne intelligence. La manipulation américaine a fait que qui a créé pratiquement de toutes pièces des affrontements ethniques en finançant en réalité la mafia Loucheka, qui est une mafia, et en l'armant, a créé un contentieux irréparable entre kosovars musulmans et serbes. Ce territoire est notre berceau historique, là je vous parle des Serbes, et de toute façon, un jour ou l'autre, quoi qu'il arrive, nous reprendrons ces territoires, et cette fois, alors que nous cohabitions avec les kosovars musulmans, nous les chasserons militairement et nous les repousserons en Albanie, alors qu'ils ne sont pas albanais, et que leur punition, ça sera de vivre en Albanie, ce qui est la plus grave punition qui pourra leur être infligée. Voilà. Et là, j'ai mesuré, comme on peut d'ailleurs faire la même analyse pour les Kurdes, etc., le cynisme inouï de l'Empire qui, dans sa façon de manipuler des populations pour des objectifs souvent à court terme, et que malheureusement je n'aimerais pas, moi, aujourd'hui, même si c'est l'euphorie en ce moment, est un musulman kosovar dans les années qui viennent, car je pense que malheureusement l'Empire les abandonnera et que leur destin est déjà scellé. Voilà. Pourquoi cette réflexion ? Parce que quand je vois deux stratégies de l'Empire, c'est-à-dire notamment l'Amérique, la mauvaise Amérique dont on parlait tout à l'heure, il y a une double stratégie. Il y a comprendre que dans les Balkans, le peuple qui a une conscience historique, qui a une conscience sociale très forte et qui est indiscutable, car il faut le rappeler pour ceux qui ne le sauraient pas, malgré l'ignoble diabolisation faite déjà à l'époque par Kouchner au moment de Médecins du Monde, qui a osé comparer les Serbes aux nazis, alors que les Serbes sont la seule nation d'Europe qui s'est libérée d'elle-même militairement de l'oppression nazie, et que la Wehrmacht, la seule armée que la Wehrmacht n'a pas pu battre sur le terrain, c'est l'armée serbe, que les Serbes sont des grands combattants. Ce peuple, cette nation qui est une nation de combattants et qui, à mon avis, est la seule nation qui peut incarner l'âme des Balkans, l'Empire a décidé de la détruire et de la martyriser et de sponsoriser une mafia, la mafia albanaise, pour contrôler une région et de créer une espèce de cataclysme ethno-confessionnel dans les Balkans, c'est-à-dire au cœur de l'Europe, qui est une stratégie de diviser pour régner, d'où le mot d'ailleurs balkanisation. Et en quoi cette réflexion m'intéresse ? Parce que quand je suis arrivé à Roissy, en rentrant, et puis que j'ai vu mon premier barbu, ma première femme voilée à Roissy, alors que je n'avais pas vu un seul dans le Kosovo musulman, je me suis dit, il y a un grand parallélisme entre la France, la Serbie et le Kosovo. Parce que ce qu'on essaye de faire aujourd'hui en France, c'est un, de mater, d'affaiblir un peuple qui a une conscience et qui est la conscience de l'Europe, qui était le peuple qui avait dit non à la Deuxième Guerre du Golfe, qui s'était opposé, qui avait dit non au référendum sur l'Europe, et qu'il fallait mater à tout prix, et que l'Empire est venu mater via Sarkozy, comme d'ailleurs la Serbie a été aussi matée par M. Kouchner, qui a d'abord été gouverneur du Kosovo, nommé par l'OTAN, avant d'être nommé ministre des Affaires étrangères du gouvernement Sarkozy, soi-disant comme ouverture à gauche, alors qu'en fait c'est l'union sacrée des atlanto-libéraux aux ordres directement des Américains. Et je pense qu'on a une ascension progressive de Kouchner qui a d'abord fait un sale boulot au Biafra dès les années 60, fin des années 60, puis après était mouillé dans l'étrange affaire des boat people, où en fait la diaspora commerçante chinoise fuyait parce qu'il y avait une nationalisation du moyen commerce sous régime communiste et qu'on nous faisait croire que c'était les Vietnamiens qui fuyaient. C'était déjà une demi-manipulation, et que Kouchner est monté en grade à coup de manipulation au service de l'Empire américain, et qu'il s'est retrouvé gouverneur du Kosovo aujourd'hui d'ailleurs balancée par Madame comment s'appelle Del Ponte, Carla Del Ponte, Carla Del Ponte qui elle-même dit qu'il est mouillé dans les trafics d'organes. Parce qu'il faut savoir qu'au Kosovo sont kidnappés des enfants serbes qui sont envoyés en Albanie pour qu'on leur prélève des organes pour le vendre sur le marché international des organes, comme on le fait d'ailleurs en Amérique latine et dans les endroits où il y a de la misère et de l'insécurité. Donc j'ai pu mesurer à quel point M. Kouchner était haï par la population serbe. J'ai pu mesurer aussi à quel point les Serbes, grand peuple et grande nation fière, mais n'ayant pas beaucoup de perversité, comme souvent les peuples dignes, a été scandalisé d'avoir été traité de nazi, notamment par la propagande française. Et à l'époque, il faut se rappeler des affiches de Médecins du Monde qui nous montraient des miradors avec Milosevic et Hitler côte à côte, alors qu'eux-mêmes, non seulement se sont libérés du nazisme, ont été les plus grands combattants du nazisme, mais ont sauvé 700 000 juifs de la main des oustachis d'antépavéliques. Et quand je me rappelle que Finkielkraut était pro-croate à l'époque, il y a des gens qui n'ont pas la reconnaissance du ventre, et que c'est Mme Albright qui a été sauvée par des Serbes, femme juive persécutée par les nazis, sauvée par des Serbes, qui a ordonné et qui a appuyé sur le bouton où il y a eu quand même bombardement de Belgrade fait par l'OTAN et où nous sommes personnellement intervenus. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu la vidéo que j'ai mis en ligne depuis 24 heures, j'ai demandé humblement pardon au peuple serbe quand je me suis exprimé publiquement pour ce que la France avait fait aux Serbes, hein, les traités de nazis, les bombarder, les associer à Hitler, et eux-mêmes ne comprenaient pas que la manipulation puisse être machiavélique à ce point-là, car ils sont un peu comme les Slaves, souvent ils ne sont pas très... Ils sont encore dans la propagande, ils n'ont pas compris ce que Edouard Bernays appelle la communication, voyez, car pour ceux qui sont un peu naïfs, quand Goebbels dit « plus c'est gros, plus ça marche », c'est pas une phrase qui sort de sa bouche, c'est une phrase, il la cite d'Edouard Bernays. C'est-à-dire que pour les gens qui manquent de culture, qui pensent que la propagande géniale de Goebbels est une invention du régime national-socialiste, non, c'est que les nazis ont parfaitement retenu les leçons de ce qui a été inventé aux États-Unis à la fin des années 20, et qui s'appelle les sociétés de conseil en... le mot est... c'est pas conseil en communication, c'est conseil en... En relations publiques, voilà, c'est le terme, l'euphémisme. Voilà. Il faut savoir que l'inventeur des relations publiques, c'est-à-dire des grandes manipulations de masse qui amènent aux histoires des couveuses au Koweït, sont l'invention d'un type qui a d'ailleurs écrit un bouquin pour s'en vanter qui s'appelle Propaganda, qui est Edouard Bernays, qui est le neveu de Sigmund Freud, et qui a opéré aux États-Unis dès le milieu des années 20. Voilà, hein. Donc c'est quand même les professionnels de la manipulation des opérations sous faux drapeau sont, je crois d'ailleurs que les inventeurs de ça, c'est l'intelligence service, ce sont les Anglais au niveau des opérations militaires, au niveau des applications civiles de ce genre de stratégie militaire, ce sont les Américains, et que finalement les nazis n'ont fait que reprendre la méthode, alors qu'on leur attribue la paternité de cette méthode. Et là, soyons toujours plus cultivés que nos adversaires, Goebbels ne fait que citer Edouard Bernays, hein, c'est pas l'inventeur du truc. Hein, voilà. Et là, j'ai vu des pauvres Serbes complètement médusés d'être passés pour des nazis, alors qu'ils étaient le peuple anti-nazi de l'Europe, je veux dire, et que des salopards, je me rappelle dans le Nouvel Obs, qu'à l'époque j'avais moi-même pointé du doigt, osaient écrire que les anti-nazis historiques étaient les Croates. C'était quand même... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite dans l'abjection, et surtout on joue sur l'absence totale d'épaisseur culturelle des peuples. Et je crois que ce n'est pas pour rien aujourd'hui que dans l'éducation nationale, on va retirer des matières essentielles en secondaire, l'histoire-géographie, je crois. C'est qu'aujourd'hui, il y a une telle inculture historique des masses qu'on peut leur faire croire n'importe quoi. C'est-à-dire on peut leur faire croire que les Serbes sont des nazis, alors que c'est le peuple anti-nazi. Et les pauvres Serbes ont découvert à leurs dépens la méchanceté, la perversité du système, je dirais, anglo-américain, pour faire plaisir à M. Cheminade, qui les associe souvent. Et là, je les ai vus, effectivement, ils se sont retrouvés face à ces gens-là. Et ils ont découvert que dans des accrochages militaires contre les mafieux armés par les Américains de Lucheka, quand les Serbes arrivaient dans un combat régulier à détruire un nid d'Ucheka qui faisait de la purification ethnique au Kosovo contre les Serbes, le lendemain, il y avait Monsieur Walker qui arrivait, qui est un spécialiste qui faisait déjà ça, je crois, en Amérique latine dans les années 70, qui déshabille les militaires, qui les habille en civil, qui fait venir les médias, et on dit qu'il y a eu un charnier, et ça justifie les bombardements sur Belgrade. Hein, voilà. Et ils ont découvert ça. Et cette situation, quand je suis rentré en France, m'a fait dire finalement, le projet de l'Empire est peut-être le même en France. Et ce qui est en train d'être mis en France aujourd'hui, avec notamment un Sarkozy qui à la fois désigne les musulmans comme les ennemis de la France, mais en même temps les aide à se fédérer et les pousse à se communautariser sur leur religion, ce qui n'était pas forcément le cas, c'est-à-dire islamisation des banlieues et désignation du danger de l'islam en France. Il y a la mise en place, parallèlement aussi destruction d'un peuple fier par la culpabilisation, le mensonge, la réécriture de l'histoire systématique. Il y a cette double stratégie de l'Empire qui s'est appliquée dans les Balkans et qui peut s'appliquer demain en France et peut-être qui arrivera dans 10 ans si nous ne gagnons pas cette bataille de réconciliation nationale, c'est de créer les situations d'une guerre civile en France entre musulmans et entre français et chrétiens, en armant des voyous de banlieue, exactement le même profil que Loucheka, des trafiquants de drogue, qui d'ailleurs s'entraînent déjà, il faut le savoir, au Kosovo, dans des bases, dans la montagne, isolées des populations musulmanes kosovardes, car ces musulmans kosovards n'ont rien à voir avec les wahhabites qui les entraînent, donc la jonction ne se fait même pas, ils sont séparés, et qu'effectivement, il y a la volonté de l'Empire demain de créer un conflit de civilisation en France, d'armer des voyous pour prétendre que ce sont des sécessionnistes musulmans, et ils sont aidés malheureusement en cela par les identitaires français qui, au lieu de s'opposer à cette stratégie comme nous le faisons nous, en disant que la nation, la conscience nationale doit être au-dessus de, comment dirais-je, des religions et que nous avons un système très performant en France qui est la séparation de l'Église et des Églises et de l'État et de maintenir la religion dans la sphère privée, ce que Sarkozy essaye de détricoter entièrement, notamment par son dernier discours sur... je ne me rappelle plus ce que c'est que son concept, c'est le... La laïcité positive, on voit qu'il y a une tentative effectivement de faire rentrer, comme dans le monde anglo-saxon, la religion dans le politique, alors que nous avons inventé un système qui était, comment dirais-je, la conséquence que nous avions su tirer des guerres de religion qui ont ensanglanté la France à l'époque, c'était avec les Huguenots. Hein. Donc on sait très bien comment on avait, il y a Michéa d'ailleurs le théorise très bien, comment on avait réussi à régler ce problème qui avait ensanglanté la France, et notamment la France, ce conflit politico-religieux, et que finalement, ainsi, insidieusement, Sarkozy est en train de remettre ça en place sur le modèle américain, et que si nous n'avons pas une défense et une stratégie intelligente, nous risquons de vivre la balkanisation de la France, et que le projet de l'Empire, à mon avis, demain, c'est la sécession de l'Île-de-France et même de la région de Marseille, sur des critères, effectivement, de quotas et de quantité de domination religieuse en disant, ben voilà, il y a une majorité de musulmans à Marseille, il y a une majorité de musulmans en Seine-Saint-Denis, et ça sera la République islamiste de Seine-Saint-Denis. Ils seront capables de nous l'imposer avec des relais de voyous, des gens manipulés et des deux côtés. Et malheureusement, le piège, les identitaires participent à cette prise en tenaille parce qu'eux-mêmes alimentent cette idée, effectivement, qu'aujourd'hui, il n'y a plus de nation française, que l'identité nationale ne transcende pas les clivages ou les appartenances religieuses, mais qu'effectivement, on est dans l'ethno-confessionnalisme, et même d'ailleurs de type antinational. Et là, j'ai bien vu, je comprends aussi pourquoi, d'une certaine manière, l'idéologie identitaire est quand même malgré tout compatible avec un certain projet européen de type landerisation, est quand même relativement compatible avec la notion de conflit de civilisation, ressemble un peu à ce qui se passe en Hollande en ce moment, à ce qui peut se passer en Belgique, et qu'effectivement c'est un danger pour la France. Nous avons la chance d'avoir des outils que nous avons inventés historiquement pour lutter contre ce piège, et je pense que nous, à Égalité et Réconciliation, nous sommes pour éviter cette ethnicisation de guerre qui est la volonté de l'Empire, et que quand on va en Serbie et au Kosovo, on voit que ce piège a été monté de toutes pièces, qu'il a été mis en place par la puissance américaine et qu'il a fonctionné, puisqu'effectivement, la Serbie a été notamment détruite par ce processus, et que même jusqu'à un certain point, Milosevic a joué ce jeu-là, puisqu'effectivement... c'est pas la fédération yougoslave qui a été sauvée, mais il y a eu un prétendu leader nationaliste grand serbe, qui d'ailleurs, selon les patriotes serbes que j'ai rencontrés, était un agent américain, était une marionnette, et que finalement les Serbes dans cette histoire ont pratiquement tout perdu, puisque aujourd'hui il y a la sécession de la Vojvodine là, qui se met en place, et c'est à mon avis typiquement la stratégie de l'Empire est le laboratoire de ce qui peut demain attendre la France si nous avons les mauvaises réactions à ce problème, effectivement, d'identité, de bascule vers le modèle... Enfin, moi, je dis le problème, je suis un identitaire français, c'est ça, nous devons être des identitaires français, et aujourd'hui, ceux qui ont le label identitaire sont malheureusement je crois parfois par naïveté, parce qu'ils sont souvent jeunes, des gens qui sont sur le modèle allemand et qui nous amènent en fait au modèle anglais. C'est-à-dire ils sont, c'est des entités allemands qui nous soumettront au modèle anglais, c'est-à-dire volkisch, c'est-à-dire une conception nationale très liée à la race et à l'ethnie, et qui nous amènera au communautarisme anglais. C'est-à-dire, là on est dans les abstractions, des fois ça les dépasse un peu, mais c'est ça. Nous sommes des identitaires français, vous êtes des identitaires allemands qui allez nous soumettre le modèle identitaire français au modèle identitaire anglo-saxon. Voilà. Et là, quiconque veut vérifier du danger de ce piège, je m'adresse d'ailleurs à nos amis identitaires, s'il y en a quelques-uns que je crois de bonne foi, allez en Serbie, allez au Kosovo, et vous verrez comment ce piège machiavélique monté par l'Empire et les stratèges anglo-américains qui sont les meilleurs pour ce genre de manipulation a finalement séparé deux peuples qui vivaient en bonne intelligence, a créé une situation irréconciliable, et surtout, il faut bien le comprendre, et là je m'adresse aux musulmans français, c'est qu'en dernière instance, je crois que ceux qui payeront les pots cassés, car les Serbes ont toujours se battent depuis qu'ils existent, sont des grands militaires et ont toujours reconquis leur territoire, et eux, quand je parle avec eux, ils disent de toute façon c'est une question de temps, nous reconquérons totalement le Kosovo, et la punition ça sera que nous chasserons totalement les Kosovars musulmans, alors qu'avant ils vivaient parmi nous, et pour ça il suffit simplement que les Américains et les Européens n'aient plus les moyens de leurs prétentions, ou que les Russes nous donnent le feu vert. Nous n'avons même pas besoin d'être militaires, nous avons déjà tous les moyens, et c'est vrai qu'il n'y a aucune comparaison quand on regarde les Serbes et les Kosovars, même je dirais physiquement, hein, les Serbes sont des grands soldats, ils sont réputés pour ça, ils l'ont prouvé. Il n'y a pas d'armée kosovarde, hein, il y a une mafia albanaise soutenue et financée par des Américains, qui sont très forts d'ailleurs pour les actes de terreur et les actes sanguinaires sordides, mais qui sont militairement des truffes, enfin je veux dire, qui le jour où les Serbes ont le feu vert, il n'y aura même pas de bataille. Ils disent de toute façon, ils auront fui d'eux-mêmes jusqu'au fin fond de l'Albanie. Et ce qui est tragique, c'est que quand j'ai discuté avec cet intellectuel kosovar musulman qui était un blond aux yeux bleus, qui avait voyagé partout en Europe et qui était vraiment un type que j'aurais pu croiser au café de Flore, lui, son seul rêve, c'était de l'espace Schengen, c'est-à-dire effectivement d'avoir enfin accès à l'espace Schengen. Il faut savoir que les Yougoslaves, seulement 30% des Yougoslaves de l'ex-Yougoslavie avaient pu voyager en Europe, et ces gens-là ne sortent très peu de leur pays. Et le rêve qu'on leur promet, c'est Hollywood et la libre circulation, effectivement, en Europe. Et malheureusement, j'ai peur que tout ceci ne soit qu'un rêve, vu qu'au moment où l'Europe s'ouvre à eux, c'est même pas l'époque de l'Irlande ou du Portugal, l'Europe n'a strictement rien à leur donner, et est plutôt là pour les dépecer et prendre les quelques petites choses qu'ils peuvent leur prendre. Mais malheureusement, ce rêve fonctionne à plein, comme chez nous, d'une certaine manière, et je crois... Et là, c'est le message que j'envoie aux Français de confession musulmane, c'est qu'ils seront les victimes de cette manipulation, exactement comme, à mon avis, les Kurdes, qui ont joué le jeu de l'Empire contre les Irakiens, commencent déjà à avoir des problèmes, d'ailleurs, avec les Turcs. Et le jour où les Américains s'en iront de là-bas parce qu'ils ne peuvent pas y rester, les Kurdes seront châtiés, comme ils ont été systématiquement châtiés, pour avoir naïvement collaboré à un Empire qui finalement, est loin d'eux et ne leur veut pas de bien. Voilà, donc ça, c'est un peu l'analyse globale que j'ai faite. J'ai aussi remarqué que malheureusement, le Serbe de la rue, pareil, était un peu fasciné par le modèle occidental, effectivement, parce que Hollywood est quelque chose de très efficace, et qu'ils ne se rendent pas compte à quel point l'adhésion à l'Union européenne, parce qu'on leur fait croire en plus aux Serbes qu'ils pourront garder le Kosovo et adhérer à l'Union européenne, ce qui est une manipulation médiatique totale, ils ne se rendent pas compte à quel point la qualité de la vie incroyable que j'ai vue à Belgrade, avec un niveau de vie très inférieur au nôtre, mais simplement parce que c'est une société qui vit comme on vivait nous en France dans les années 60. Il n'y a pas de coin VIP. La toute petite bourgeoisie serbe peut habiter le centre-ville historique dans des magnifiques immeubles art déco qui demain seront totalement inaccessibles en termes de loyer, en termes de mètres carrés. Ces gens-là n'imaginent absolument pas à quel point l'Union européenne fera éclater les écarts sociaux et abaissera leur... non seulement leur niveau de vie, mais leur qualité de vie, parce que tous les médias serbes sont sous contrôle occidentaux, malheureusement. Et ce qui est très étrange, c'est qu'à la fois, les Serbes de Belgrade trouvent que Poutine est leur homme politique préféré, mais en même temps, ils vont lentement et sûrement vers l'Union européenne, parce qu'ils rêvent du rêve occidentalo-américain. Et là, on voit ce que c'est que le pouvoir des images, le pouvoir de la manipulation, et la certitude, pour moi, assez tragique, de voir que ces gens-là comprendront, si jamais ils vont jusqu'au bout de cette manipulation, trop tard, dans 10-15 ans, à quel point la vie était agréable du temps où la Serbie pouvait se passer de l'Europe et à quel point ils auront tout perdu. Mais malheureusement, c'est comme en France, les gens qui résistent là-bas sont les mêmes que ceux qui résistent aux sirènes de l'UE aux sirènes du sarkozysme. Mais c'est un combat très déséquilibré, parce que d'un côté, il y a des patriotes honnêtes qui sont sur un discours pédagogique, et de l'autre, il y a des médias avec des boutiques de fringues partout, du jean, de la chaussure à talons, de la fille en mini-jupe, enfin toujours les mêmes procédés de séduction qui utilisent d'ailleurs, comme chaque fois, le corps de la femme, les groupes de rap sur des écrans à plasma, et qui travaillent la jeunesse, décérébrer la jeunesse, etc. Et ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que j'ai vu beaucoup moins de jeunes Serbes sur le modèle américain que de jeunes Kosovars. C'est des choses, moi qui suis sociologue de terrain, les jeunes Kosovars ont beaucoup de gel dans les cheveux, des espèces de crêtes à la con comme on voit dans les pubs. Les Serbes sont plutôt encore habillés en survêtements, sont beaucoup plus dans une tradition de sport, beaucoup plus proche en fait du modèle russe. Et là on casse un schéma typique, c'est que les musulmans kosovars sont beaucoup plus américains dans leur esthétique et dans leurs rêves que les Serbes, on va dire slavo-latins, qui sont vraiment pour moi les Serbes les plus proches de... Qui sont, je veux dire, les Serbes sont aux Balkans ce que la France est à l'Europe. Il y a vraiment une... Et moi, j'ai vu d'emblée, parce que j'étais avec des Russes là-bas, qu'il y avait immédiatement d'instinct un axe Paris-Belgrade-Moscou. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est que j'ai parlé à Belgrade sur la place publique et j'ai parlé au Parlement. Et pour eux, pour les Serbes, donc, qui sont farouchement anti-nazis, et qui sont dans cette idéologie antifasciste telle comme les Russes, et qui ont, je vous dis, sauvé 700 000 juifs, pour eux, qui ne peuvent être soupçonnés de rien de ce qu'on pourrait appeler une idéologie nauséabonde, pour eux, il y a deux grands hommes politiques en France, De Gaulle et Jean-Marie Le Pen. C'est assez... Parce que vu de là-bas... Ils ne prennent pas... ils pensent au De Gaulle que j'aime bien et que j'ai réussi d'ailleurs à vendre un peu à mon ami Marc Georges qui pensait plutôt au De Gaulle malin de 40 et au De Gaulle ambigu de 58. Nous, on aime bien ici le De Gaulle des années 60, celui qui sort de l'OTAN, qui vire les bases américaines, qui essaye de fédérer les non-alignés et qui va à la fois au Vietnam, qui va au Québec et qui essaye effectivement de réactiver l'universalisme français comme troisième voie, ni Wall Street ni Soviet, qui est le De Gaulle qu'on défend. Hein, et c'est ce De Gaulle-là d'ailleurs que l'Empire a liquidé via mai 68. Les Américains lui ont fait la peau. Et d'ailleurs, ils voulaient aussi, je crois, revoir un certain dollar qui n'était plus fondé sur rien, et que je crois que ça a hâté sa fin aussi. Je crois qu'ils voulaient revenir à l'étalon or ou à quelque chose d'approchant, et ils contestaient la suprématie de cet empire américain dont M. Cheminade vous a bien parlé, qui passe d'abord par le dollar. Et donc là, effectivement, il y a quelque chose de très intéressant, parce que ces Serbes qui sont les anti-nazis des Balkans, pour eux, Le Pen est le patriote progressiste à défendre à tout prix en France, ils l'acclament totalement, ils font totalement un lien avec De Gaulle, eux. Et il y a vraiment quelque chose d'intéressant, et aussi d'un peu triste, c'est que les Serbes, eux, ont compris qui était Le Pen, alors que les Français ne le comprennent pas. Je veux dire, c'est assez étonnant, et à la fois encourageant, parce que ça justifie un peu mes prises de position, et un peu déprimant quand j'explique aux Serbes que malheureusement cette France de De Gaulle qu'ils admirent, elle n'existe plus du tout en France. J'avais d'ailleurs vu la même chose au Liban. Les gens là-bas admirent la France de l'époque gaulienne qui a totalement disparu et vivent sur un espèce de mirage. Et effectivement, pour eux, c'est De Gaulle et Le Pen qui continueraient à défendre cette espèce d'indépendance, d'insoumission française au modèle anglo-saxon. Et ça m'a à la fois donné de l'espoir et en même temps déprimé un peu de voir que finalement, là, le pays où le patriote français est le plus vilipendé, c'est la France. Et qu'il est même étrange de penser qu'aujourd'hui on reproche à un leader politique qui s'est engagé militairement pour défendre son pays, comme l'a fait Le Pen alors qu'il était député, dans toute l'histoire, je dirais, même pas classique, mais dans l'histoire, jusque dans les années 30-40, ça serait considéré comme un signe plutôt d'héroïsme. Là, c'est considéré comme une abjection. Et qu'un type qui dit « je défends d'abord le peuple français » est considéré comme un paria et un maudit, au point même de ne même pas pouvoir se promener dans la rue et d'aller boire un coup au bistrot du coin sans être entouré de gardes du corps. C'est vous dire à quel point le travail effectivement de destruction a été fait. Et on en prend pleinement conscience quand on voyage. Et j'ai eu les mêmes témoignages d'ailleurs... J'ai vu Le Pen, m'a dit, mais c'est pareil, j'ai été très très bien accueilli en Russie, notamment par le Parti communiste russe, parce que ces gens-là admire les patriotes français et les gens qui sont insoumis au pouvoir de l'argent. Donc c'est assez drôle qu'il a fait. Il faut s'éloigner de la France pour voir des gens qui respectent les patriotes français. Voilà. Donc là, je vous ai fait ce petit panorama, sans notes, sans plan. Si Marc veut y rajouter quelque chose, après vous pourrez poser des questions. Donc voilà, retour de Serbie et du Kosovo. On a mis une petite vidéo très courte sur le site Égalité et Réconciliation et sur mon site. On a des heures et des heures de rush parce qu'on a filmé beaucoup de choses. Et si on y arrive, grâce à Romain, Marc, etc., on essaiera de faire une vidéo d'une heure assez complète sur ce qu'on a vu et les gens qu'on a rencontrés. Et ça pourrait être même l'occasion d'une conférence, notamment que j'aimerais bien faire à la fois à la Main d'Or et ailleurs, parce que je pense que ce piège qui nous est tendu aujourd'hui et qui passe par par l'ethno-confessionnalisme et par la destruction du modèle identitaire français et le piège qui est tendu à la France et qui est en train de se mettre en place progressivement et qui peut faire éclater la France dans 10 ans, et j'ai pu vérifier que ce piège avait totalement fonctionné de manière affreuse et atroce en Serbie, Kosovo, et que malheureusement ceux qui à la fin payeront les pots cassés seront sans doute les musulmans kosovars, ce qui est tragique, et que les Anglais et les Américains, eux, se seront carapatés depuis longtemps. Et effectivement, ce que j'ai pu voir là-bas, c'est que pour tous les gens qui ont une vision politique, leur espoir, c'est la Russie de Medvedev et Poutine. Ils pensent que si les choses peuvent évoluer et si on peut faire refluer un peu l'Empire et sa monstruosité manipulatrice, destructrice, ça sera parce que les Russes arriveront à rééquilibrer un peu la situation. Donc là-dessus, on est tombés tous d'accord. Et je pense d'ailleurs aujourd'hui que ce qui réconcilie un peu les nationalistes français, y compris d'ailleurs les identitaires et nous, c'est qu'aujourd'hui, je ne vois personne dans le camp national être pour l'Amérique. Je ne vois personne, sauf M. Touzé, mais qui s'est même fait virer du groupuscule qu'il avait réussi à monter. Et les Russes nous réconcilient tous. Voilà. Ils sont toujours pro-américains, eux ? Oui, ben voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les Russes nous réconcilient. Et demain, nous aurons un intervenant qui nous parlera de la Russie de l'intérieur. Et c'est un des signes, c'est un des espoirs que nous pouvons avoir. Et effectivement, pour les Serbes, c'est l'espoir. Ils disent, dès que les Russes nous donneront le feu vert, on s'occupera. Et il faudra une semaine, ils nous ont dit. Voilà. Voilà. Je crois d'ailleurs que ce sur quoi j'ai mis le doigt doit rejoindre, même si je n'y suis pas passé, l'atelier Identité française animé par Sofiane tout à l'heure. Je pense qu'il doit y avoir des liens, sans doute, pour ceux qui ont participé. Mais bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous manifester. Juste un mot avant les questions, puisqu'on est sur les Slaves. Je voudrais préciser à ceux qui avaient peut-être l'intention de partir qu'on a un groupe russe ce soir, avec d'authentiques musiciens russes, de la musique traditionnelle russe. Évidemment pas par hasard, et je vous invite tous à rester ce soir ici au domaine de Grand Maison à Villepreux pour échanger et écouter de la scène musique patriotique. Et surtout pour que les gens aient envie de rester, je crois que ce soir nous dînerons ici, c'est ça ? Oui. Nous allons donc ranger les chaises, amener les tables, donc nous dînerons ici au sec, et la musique sera là pendant que nous dînerons. Donc ça sera un peu plus confortable que le repas de midi, mais nous ne sommes pas là pour le confort, nous sommes là pour l'engagement, et ça nous fait du bien. Hein. Bon, voilà, si vous avez des questions maintenant sur la Serbie et toutes ces questions, l'identité, le problème de l'islam, manipulation, ça vaut peut-être la peine qu'on éclaircisse un peu ce sujet, parce que c'est le gros hiatus aujourd'hui, ceux qui marchent dans le piège du conflit de civilisation et ceux qui sont capables de comprendre que c'est un piège. Je crois que du côté des nationalistes et des nationaux, c'est le clivage absolu, quoi. Hein. On libère Marc pour l'intendance. Si vous voulez poser votre question, le plus simple, c'est que il y a un micro là. Vous déplacez, vous venez poser votre question, comme ça c'est mieux d'ailleurs. Comme ça, le garçon des renseignements généraux qui est là et que je salue au passage pourra aussi le prendre en photo et l'identifier. Forcément, il y en a un. Hein. Et peut-être même un type de Ralfron. Mais j'ai remarqué que depuis que les gens de Ralfron découvraient qu'il n'y avait pas de fachos et pas de nazis à ER et des gens qui constituent la France idéale telle qu'eux-mêmes l'idéalisent, ils sont très emmerdés, ils nous font plus de papier. Voilà. Il marche ce micro ? Qu'est-ce que... Quand on entend parler du Kosovo et de la Serbie, on a envie d'en savoir plus sur la Bosnie, la Croatie. Avez-vous des infos ? Alors moi, j'ai l'habitude de parler que de ce que je connais. Donc je suis allé en Serbie, au Kosovo, je ne suis pas allé en Bosnie et en Croatie. Ce que par contre je sais, c'est que je suis en relation avec des Croates qui ont participé à la sécession croate à l'époque, parce que c'est d'abord la Slovénie et la Croatie qui ont fait sécession de manière unilatérale de la Yougoslavie, pour des raisons d'ailleurs bancaires, puisque les banquiers allemands leur ont dit, voilà, la Yougoslavie est ruinée, c'est-à-dire elle est entièrement sponsorisée par l'Occident, parce que c'était une vitrine anti-soviétique d'une certaine manière. Tito avait joué un jeu très malin, un peu comme De Gaulle d'ailleurs, à l'échelle des Balkans. Dès lors que l'URSS a été liquidée, et la Yougoslavie n'a plus eu d'intérêt pour l'Ouest. Et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose de très simple, c'est que les banquiers, le FMI déjà à l'époque, je crois, a dit voilà, c'est les Allemands qui ont commencé, ils sont allés voir les Croates et les Slovènes, ils ont dit voilà, soit la Yougoslavie rembourse immédiatement sa dette, nous arrêtons tout crédit, mais par contre si la Slovénie, c'est-à-dire ils ont dit à la fois, la Yougoslavie doit rembourser sa dette immédiatement, c'était impossible, et ils ont dit aux Croates et aux Slovènes, si vous faites sécession, non seulement nous annulons la dette, mais nous renouvelons le crédit. Et donc la Slovénie et la Croatie a fait sécession pour des raisons bancaires au départ. Et c'est d'abord les Allemands qui sont allés. Après, les Américains sont venus un peu bloquer les Allemands, qu'ils aiment bien comme vassaux, mais pas comme concurrents. Et on a même eu une espèce de concurrence avec les Allemands qui recontrôlaient la Slovénie et la Croatie. Et les Américains qui venaient sur la Bosnie, c'était un peu complexe. Il y a un très bon bouquin de Michel Collomb, pour ceux qui connaissent ce communiste belge, qui s'appelle Poker Menteur, chez EPO, qui écrivait déjà tout ça dès les années 90. Et qui était très très loin du baratin médiatique sur les chambres, non c'est pas les chambres à air ce coup-ci, les camps de concentration, la purification ethnique, les femmes violées qui accouchaient 3 mois après, enfin que des bons trucs à la Édouard Bernays. Mais moi je ne connais pas ce qui se passe en ce moment en Croatie, mais je connais par contre un ami qui était vice-ministre du temps de Tudjman et donc qui faisait partie du gratin sécessionniste croate, qui a d'ailleurs écrit un texte qui est sur égalité et réconciliation que vous pouvez trouver dans Centre d'idées, qui m'a dit aujourd'hui nous patriotes croates sommes pro-serbes. Nous nous sommes fait avoir à 100% dans cette manipulation, nous n'existons pas, et en fait nous sommes passés totalement sous domination américano-européenne, je ne sais pas quoi, et nous avons tout perdu dans cette histoire, nous avons été roulés dans la farine, et aujourd'hui les patriotes croates soutiennent les Serbes, car ce sont les derniers qui résistent. Donc c'est assez intéressant de voir, et d'ailleurs même une certaine extrême droite face à laquelle je me trouvais au début des années 90, quand moi, en tant que membre du Parti communiste français, j'étais pro-serbe, militant, comme l'était à l'époque Régis Debray, il n'y en avait pas 36, il y avait, j'ai un problème avec les noms propres, enfin on n'était pas beaucoup et on était très diabolisés. À l'époque, l'extrême droite française était pro-croate parce que les Croates étaient catholiques, parce que les Croates avaient été pro-nazis, donc ça les fascinait un peu. Aujourd'hui, les nationalistes français, même au Front National, sont tous pro-serbes. Il suffisait d'attendre que le piège et que la réalité s'accomplissent. Et même, je vous dis, aujourd'hui, moi qui m'affrontais avec Dantec régulièrement, je n'entends plus parler Dantec sur l'histoire d'être pro-américain pour empêcher les temples orthodoxes de brûler au Kosovo. La question est réglée parce que la vérité est là. Le problème, c'est que c'est mieux d'avoir un coup d'avance qu'un coup de retard. Donc moi de ce que je sais de la Croatie aujourd'hui, c'est que les Croates regrettent totalement. Je ne connais que des nostalgiques de la Fédération Yougoslave aujourd'hui, c'est ça qui est étrange. Les mecs admettent aujourd'hui, et les Slovènes disent nous n'existons pas. Qu'est-ce que c'est que la Slovénie? C'est rien quoi. Du temps de la Yougoslavie nous existions un peu. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui nous n'existons plus, et les seuls qui existent encore un peu sont les Serbes, et malheureusement les pauvres ils sont bien seuls. Et aujourd'hui c'était à refaire, nous défendrions tous la Fédération Yougoslave. Voilà, c'est ce que j'entends de la bouche d'anciens vice-ministres croates. Voilà. Donc, si ça peut répondre à votre question. Non, il faut respecter la procédure. Est-ce que vous avez plus de précision sur la sécession de la Voïvodine que vous avez évoquée dans votre exposé ? Merci. Ben, je n'ai pas de précision, mais je sais que c'est en route. C'est-à-dire que le démantèlement et la destruction totale du peuple serbe, de la nation serbe, à qui on ampute des membres, le Kosovo qui est son territoire fondateur, comme d'ailleurs les rois de France, ce qui est très symbolique, sont enterrés, n'oubliez pas, à Saint-Denis, là où il y a le Stade de France, où ont eu la Marseillaise, il y a des symboles, c'est quand même là que sont enterrés les rois de France. Et là, c'est pareil, ces pauvres serbes vont se voir amputer effectivement de la Vojvodine, qui fait partie de leur... de leur territoire historique. Qui est... Oui, enfin, je veux dire, c'est... c'est l'Empire veut effectivement démanteler effectivement tout ça, balkaniser. C'est-à-dire que effectivement le principe c'est que l'Empire est comme interlocuteur des toutes petites entités minuscules qui n'ont aucun moyen de rien. Parce que pareil, j'ai expliqué aux Serbes, vous avez les Serbes ont une économie, une production, un tissu de PME et une moyenne bourgeoisie. J'ai dit, si l'UE vient, ils vous boufferont entièrement, c'est-à-dire que de toute façon vos critères de production font que vous ne pouvez rien vendre à l'Europe, c'est évident. Ils vous phagocyteront et vous passerez sous domination du capital européen, je ne sais pas, Ribou, pour l'agroalimentaire, etc. Vous deviendrez par contre des consommateurs obligatoires des produits européens. Et en plus, les produits de luxe qui vous font tant rêver, vous les verrez dans les pubs, mais vous n'aurez pas les moyens de les acheter. Et malheureusement, quand je leur explique longtemps, et je dis, il ne faut pas vous étonner que nous qui sommes dans l'Europe, les Français, les Irlandais, nous cherchons à tout prix à en sortir. Donc pourquoi pensez-vous que nous qui y sommes voulons en sortir? Et pourquoi vous pensez-vous que vous ferez mieux que nous en y rentrant? Mais malheureusement, le piège est là, c'est les médias, les clips, la jeunesse, et j'ose le dire, la jeunesse, les femmes, c'est-à-dire là, c'est jouer sur tous les leviers de la... du pulsionnel fragile, c'est-à-dire la séduction, le sexe, la musique, la pulsion. Et ce travail de destruction se passe par les clips, les écrans à plasma, les boîtes de nuit, la mode. Et ça fonctionne malheureusement notamment sur les gens très jeunes. C'est un combat inégal parce que c'est le combat de la morale, c'est le combat de la sublimation, c'est le combat de la conscience et de la culture contre le combat de la... comment dirais-je, du laisser-aller, de la pulsion, quelque chose qui a été très bien théorisé par notamment Kluskar, ce qu'on appelle le libéralisme libertaire, quoi, l'incroyable efficacité de l'idéologie libertaire pour soumettre les populations à coups de mini-jupes, de talons aiguilles, de jerk, de boîtes de nuit, de musique pour jeunes, de Star Academy. Et on voit effectivement à la télévision serbe, tous ces programmes, il y a le Loft, il y a tout ça. Et effectivement, c'est très inquiétant parce que on essaye nous d'expliquer, parce qu'on est plus loin que eux dans ce processus de destruction, à quel point c'est le diable, c'est-à-dire le miroir aux alouettes, et à quel point derrière ça, ce qui est une promesse de qualité de vie supérieure et dans les faits une baisse de qualité de vie. Et j'essaye d'expliquer aux intellectuels que je rencontre, notamment de Belgrade, à quel point ces gens-là vivent mieux que moi, qui moi peut difficilement louer 35 mètres carrés à Paris. Alors que les mecs vivent dans des appartements de 120 mètres carrés en centre-ville, dans des magnifiques immeubles art déco pour des salaires qui correspondent à 8000 balles par mois. Quoi. Et je leur dis, tout ça demain avec l'UE, vous ne l'aurez plus. Et d'ailleurs, le parti radical serbe, après m'avoir demandé d'écrire une lettre comme Peter Handke pour protester contre le tribunal de La Haye, je dis ça ne sert strictement à rien. Par contre, je peux venir avec un groupe de Français, un patron de PME, un peintre, un journaliste pour leur expliquer à quel point nous souffrons en France sous le joug de l'UE et à quel point la moyenne bourgeoisie et l'intelligentsia de belgradoise vit bien mieux que nous. Et ça, malheureusement, à cause des médias, à cause du fait qu'ils ne voyagent pas, ils ne le savent pas. Donc c'est à la limite, le projet que j'ai maintenant, c'est comme j'ai fait mes bouquins, là, jusqu'où va-t-on descendre, c'est de faire de la sociologie populaire et pratique pour leur expliquer par des exemples très concrets qu'avec l'UE demain, ils n'auront plus le droit de fumer. Quand ils n'auront pas la ceinture de sécurité, ils seront raquettés par la police. Il y aura des coins VIP dans les boîtes et les mecs ne pourront plus y accéder. Tous ceux qui ont des appartements, qu'ils soient propriétaires ou locataires, au centre-ville de Belgrade ne pourront plus se loger là. Ils auront une immigration qu'ils ne contrôleront pas. Et que c'est tout ça qui les attend et dont ils verront les effets dévastateurs dans une dizaine d'années. Voilà, donc j'ai un peu débordé sur votre question, mais c'est pour revenir à ce qui me préoccupe. C'est bon, démantèlement, divisé pour régner. Et je ne crois pas que, comment dirais-je, la Vojvodine ait d'elle-même la volonté de faire sécession. Il y a toujours la même stratégie que j'ai vue au Parlement serbe, c'est... par exemple, là, le Parti radical venait de perdre 20 députés qui avaient basculé du côté des européistes. Alors j'ai dit, comment ça se fait qu'il y a 20 députés qui ont basculé? Ils m'ont dit, il y a deux choses, la menace et la corruption. Les Américains menacent physiquement et corrompent. Et simplement, nous avons dans tous ces pays, comme chez nous, des élites. Je crois que c'est une phrase de... Je ne sais pas si c'est une phrase de Mao qui dit que le poisson pourrit toujours par la tête. Nous avons des élites collaborationnistes, achetées et traîtres, que ce soit en Amérique latine... en France ou en Serbie, qui trahissent leur peuple. On a un peuple peu cultivés politiquement. C'est pour ça que j'insiste sur la pédagogie. Il n'y a pas de mépris. Les gens sont très peu cultivés politiquement parce qu'ils sont braves et honnêtes et sincères. Et ils ne comprennent pas, ils n'ont pas l'imagination suffisamment, l'esprit suffisamment tordu pour comprendre le niveau de vice de l'adversaire, ce qui est leur grande fragilité, parce qu'ils sont braves. Et nous avons donc des braves gens qui sont manipulés et des élites corrompues et corruptibles qui, effectivement, ont un intérêt à collaborer, mais c'est 1% de la population, comme nous avons en France des élites qui ont liquidé le Quai d'Orsay, nous réintroduisent dans l'OTAN discrètement, envoient nos soldats mourir en Afghanistan. Ces gens-là sont exactement ces mêmes élites vendues, corrompues, qui trahissent le peuple de France, qui, lui, ne comprend pas très bien ce qui lui arrive. Et c'est ce schéma, à mon avis, qu'on voit à peu près partout. Quoi. Voilà, je ne pense pas qu'il y ait de volonté du peuple de Vojvodine de faire sécession. Ben, je ne sais pas, moi, ça dépend des questions. Non, s'il n'y a pas d'autres questions. Si. Bonsoir. Vous semble-t-il probable que la Russie, à moyen terme, puisse recouvrer suffisamment de puissance pour donner le feu vert dont vous parliez, là en l'occurrence pour les Serbes, pour récupérer le Kosovo? Est-ce que c'est envisageable à moyen terme ou, voilà. La réponse, c'est l'affaire géorgienne. On a vu avec l'affaire géorgienne, quand on prend un peu de recul, l'incroyable crédulité des élites corrompues par rapport à ce qu'est l'Empire, c'est-à-dire qu'ils surévaluent totalement la puissance de l'Empire, et je crois même d'ailleurs que les tenants de l'Empire se mettent à croire à leur propre propagande aujourd'hui, c'est-à-dire que Saakashvili croyait réellement qu'il pouvait se permettre ce qu'il voulait, et que le parapluie américain lui permettait tout ce qu'il voulait. Il a réalisé à quel point, finalement, l'Empire américain est un racketteur qui, finalement, ne propose pas grand-chose comme service de protection en échange de son racket. Et on a vu aussi que grâce au travail de Poutine, à quel point les Russes étaient quand même plus dans la situation où ils étaient au moment d'Elstin, c'est où il y a encore même 10 ans, où effectivement ils n'ont pas pu aider leurs frères serbes, orthodoxes, slaves. Et je crois qu'aujourd'hui, la Géorgie est quand même un signe de bascule, parce que non seulement la Russie se renforce, mais l'Amérique s'affaiblit terriblement. Et nous avons vu que dans les deux derniers conflits, qui sont pas forcément des conflits directs, mais qui mettent en présence les mêmes forces, nous avons vu l'armée israélienne être quand même tenue en échec par le Hezbollah, iranien, le Hezbollah libanais, mais on sait qu'il n'y a pas de Hezbollah libanais sans l'Iran et il n'y a pas d'Iran sans la Russie. Et nous avons assisté récemment à deux défaites de l'Empire, la guerre du Liban et la Géorgie. Et on a bien l'impression que le rapport de force, après l'écroulement de l'URSS, les périodes Gorbatchev-Elstine, le rapport de force est en train de se rééquilibrer en faveur de la Russie, qui, est sur son territoire, c'est quand même un gros avantage. Ils sont proches de chez eux, les Américains sont très loin de chez eux. Deux, ils sont moins touchés par la crise que les Américains. Donc ça, à mon avis, c'est des signaux qui nous donnent à penser qu'il est possible que dans quelques temps, ce qui s'est passé en Géorgie se passe effectivement en Serbie, puisse se passer même en Biélorussie, en Ukraine, voire en Pologne, c'est-à-dire un rééquilibrage et quelque chose qui nous ramène à l'époque de la, enfin, au rapport de force tel qu'il était du temps de la guerre froide avant Brejnev, quoi. C'est le minimum envisageable, voire plus. Hein. Et si j'ai bien entendu Medvedev, il a dit aux Américains clairement, si vous voulez la guerre froide, nous sommes prêts. Et je crois que nous, on a entendu un Sarkozy président tournant là, d'Union européenne aller menacer de sanctions la Russie, et les médias ont fait leur boulot en nous faisant croire en gros que Sarkozy avait tenu la dragée autour russe. Quand on sort de la propagande de l'Empire, Sarkozy, les Serbes l'appellent le clown ou le guignol, et pour eux, il s'est fait botter le cul par Medvedev et Poutine, c'est-à-dire il a fermé sa gueule, et il n'avait strictement aucun moyen de faire pression en quoi que ce soit sur les Russes, qui lui ont carrément dit gentiment d'aller se faire foutre. Et il faut toute la propagande des médias pour croire que Sarkozy, petit patron temporaire de l'UE, a pu faire une quelconque remarque sur ce qui s'était passé en Géorgie. Et si ça n'a pas été pire en Géorgie, c'est tout simplement parce que les Russes se comportent assez correctement, c'est-à-dire qu'ils ont été assez modérés, assez mesurés, justement parce qu'ils ont une stratégie à long terme assez cohérente et assez, assez sereine, alors que les Américains donnent tous les signes de la, du début de l'hystérie, quoi. C'est-à-dire un empire faible devient brutal, un peu déraisonnable. Et il y a eu dans la gestion de l'affaire de Géorgie une grande maîtrise et un grand sérieux des Russes qui auraient pu en faire beaucoup plus et aller beaucoup plus loin. C'est parce que je crois qu'ils ont quand même repris la main et qu'ils le savent. Donc ils y vont tranquillement et sûrement. Et à un moment donné, c'est peut-être dans 3 ans, j'en sais rien, on risque de voir quelque chose bouger du côté de la Serbie. Et effectivement, là, de voir la débandade de l'empire américano-européen sur le plan militaire, économique, politique et diplomatique. Mais bon, je peux jurer de rien, mais ça, je renifle un peu les choses comme ça, et je pense que c'est plutôt un espoir pour nous. Voilà. Si quelqu'un a des infos plus précises, qu'il n'hésite pas. Une dernière question, alors ? Pas de problème. Sinon... Ce serait pour savoir, parce que en fait, j'ai l'impression qu'il y a un problème qui est assez intéressant, qui a été souligné à travers l'alliance anglo-américaine. Je voudrais savoir si l'Angleterre ne profite pas de l'alliance avec les États-Unis et de l'Union européenne pour détruire les nations. Et pour ainsi dire, est-ce que l'Angleterre ne serait pas la nation à combattre contre... ne serait pas la nation qui tirerait profit de par son modèle de la destruction des souverainetés nationales, en fait ? Parce que... Je crois que M. Cheminade est assez en pointe sur ce discours. C'est-à-dire que c'est quand même les Anglais qui ont inventé le Foreign Office, tel qu'il... C'est-à-dire cette stratégie d'alliance entre, je crois, la couronne d'Angleterre et la banque, qui a permis à ce que le système vénitien, le système des Borgia, passe à une échelle très supérieure. Une conception de l'impérialisme qui n'est ni l'impérialisme romain, ni l'impérialisme de Charlemagne, ni l'impérialisme de Lénine, mais qui est l'impérialisme qui doit être défini comme ça, de cette union d'une élite politique et de la banque dans une volonté de prédation. D'accord. Qui n'est absolument pas une extension d'un territoire peuple, mais d'une oligarchie prédatrice qui peut spolier son propre peuple elle-même, je crois. Hein. Ça leur pose aucun problème. Et effectivement, ceux qui ont inventé ce truc, c'est les Anglais. Oui. C'est pour ça d'ailleurs que les Serbes te disent nous, nos gros problèmes, c'est les Américains, les Anglais, c'est eux qui sont présents, c'est les plus... En réalité, c'est ce système de manipulation systématique, d'opération sous faux drapeau, de diviser pour régner, a été inventé par les Anglais, transmis aux Américains et aujourd'hui pratiqué en virtuose par les Israéliens, les Anglais, et les Américains sont peut-être ceux qui ont le plus de moyens, mais pas forcément les plus adroits. Et on voit bien que c'est les Anglais, les Américains, les Israéliens ont la même approche de la manipulation politique et qui n'est pas dans la culture des Slaves, contrairement à ce que croient certaines personnes très anti-soviétiques. C'est pas dans la culture des Slaves, c'était pas spécialement dans la culture française non plus, qui est ces opérations sous faux drapeau systématiques. Les mecs m'ont raconté comment effectivement il y a des provocations, notamment on assassine des gosses serbes, il y a une opération militaire derrière contre Loucheka, et une fois que les Serbes ont gagné militairement, parce qu'ils ont gagné systématiquement partout, derrière, M. Walker arrive, déshabille les militaires, les habille en civil, fait venir les médias occidentaux naïfs ou corrompus, et on parle de génocide, on a toujours le mot génocide. Et en général, il y a Bernard-Henri Lévy qui arrive très vite derrière, génocide, purification ethnique, machin, etc. Et derrière, l'Empire du Bien arrive, et au nom des droits de l'homme, bombarde la ville de Belgrade, quoi, je veux dire. Et c'est effectivement... Ce génie machiavélique a été historiquement inventé, je crois, par les Anglais. Je ne sais pas si M. Cheminade cautionne. C'est une invention anglaise, je crois. Hein ? Oui, non, en fait, tout ça pour dire simplement que j'ai l'impression que le premier ennemi des nations en Europe, ce sera l'Angleterre. En fait. De toute façon, si De Gaulle ne voulait pas que l'Europe rentre dans l'Europe, que l'Angleterre rentre dans l'Europe, c'est qu'il savait que c'était la fin de l'Europe puissance et que c'était l'allié des Américains. On l'a pu le vérifier depuis. Oui. Je pense qu'il n'y a même pas de débat là-dessus. L'Angleterre joue la carte de l'Amérique et tient la puissance qui lui reste de l'Amérique. Et effectivement, l'Angleterre n'est pas dans l'Europe. Je pense que l'avenir de l'Europe, comme le pensent tous les gens à peu près sérieux, c'est plutôt Paris, Berlin, l'Allemagne. Moscou, que Paris, Londres. Si M. Cheminade veut dire deux mots, rapidement, parce que... Un mot. Londres et la City servent de berceau, de maison de réunion, lieu de réunion pour les forces de l'Empire. Et il se trouve qu'elles parlaient anglais, elles avaient les services secrets anglais... et qu'elles opéraient avec une marine marchande, un impérialisme anglais. Mais maintenant, ce qui est réuni là, c'est un empire qui vise à l'empire mondial, et qui vise à utiliser les États-Unis pour établir cet empire mondial. Mais ce sont comme des asticots dans un fromage, c'est-à-dire que voilà, ils sont totalement apatrides en réalité. Hein. Apatrides. Ils ont été d'abord dans les nations, ils ont été à Gênes et à Venise. Après, ils ont été à Londres. Aujourd'hui, ils sont à je sais pas quoi, à Washington. Oui, mais en réalité, ils sont au-dessus des nations. Hein. Oui. Mais par contre, ils s'appuient sur une nation pour exister. Il n'y a jamais eu de guerre fondamentale entre nations. C'est l'empire pour détruire les nations. Ouais. Bon, nous sommes d'accord. Là, qu'est-ce qu'on fait? On conclut? Bah ouais, on va conclure si t'as... C'est quoi le projet là, 7h30, 19h30? Alors le projet déjà c'est de te remercier. Ensuite, là il va y avoir donc l'apéritif, les stands sont encore ouverts. Pour ceux qui mangent ici ce soir, il y a un dîner-concert en fait avec un groupe de musique russe. J'ai quand même encore un petit truc pour conclure. Sans problème. L'affaire serbe permet pour moi de valider quelque chose qui était de l'ordre de l'intuition et même de la morale, qui est le traitement que nous avons à Égalité et Réconciliation de la question de nation et de la question de l'islam. Hein, c'est très important. Contrairement à ce que disent nos ennemis, nous ne sommes pas immigrationnistes, je ne me suis pas converti à l'islam, mais j'essaie d'éviter par tous les moyens que la France tombe dans le piège du conflit de civilisation, car ça détruira notre pays, c'est certain, et c'est ce que l'Empire veut, et en plus ça causera de très grands malheurs et de très grandes souffrances. Et je pense qu'en dernière instance, ceux qui en seront les plus grandes victimes seront les musulmans, enfin les Français de confession musulmane. Donc c'est cette vision et cette lecture et cette analyse du piège tendu par l'Empire qui justifie toute ma position par rapport aux Français de confession musulmane. Ce n'est ni une adoration du Coran, ni un renoncement au modèle français qui devrait se soumettre à l'Oumma. C'est simplement parce que je pense qu'un piège nous est tendu et que nous devons éviter ce piège pour sauver la France et la France telle que je l'aime, c'est-à-dire ce que j'appelle l'universalisme français, dont je vous reparlerai un peu demain. Et je pense que c'est fondamental par rapport à la critique de nos ennemis. Je le redis, pour moi, l'islam est une conséquence de l'immigration. Hein, c'est un problème quantitatif et ce n'est pas un problème qualitatif sur le plan des valeurs. L'islam est une idéologie très compatible avec ce que j'appelle la droite des valeurs. Et d'ailleurs, les grandes figures de la droite nationale du 19e siècle l'ont démontré jusqu'à la conversion de M. Guénon. Voilà, pour ceux qui ont un peu de culture. Donc c'est la réponse que vous pouvez faire à ceux qui vous disent que vous êtes AER, vous êtes immigrationniste et vous êtes pro-musulman. Voilà, nous avons décidé de ne pas tomber dans le piège qui désigne les musulmans comme le bouc émissaire et le méchant de service. Avant, nous avions fait le coup avec les soviétiques, le péril rouge, maintenant il y a le péril vert. Et le péril, c'est quand même le péril de l'Empire, et je crois que nous sommes tous d'accord là-dessus. Et le but est d'échapper au piège de l'Empire, pas de nous prosterner devant l'islam. Hein. Voilà, nous avons une conception française de la religion et de la place de la religion dans la République française, qui est tout à fait conforme à la loi de 1905 et qui est à peu près viable, à mon avis, si on fait le boulot. Hein, et là je crois que Marc vous en a parlé ce matin, c'est effectivement sortir de la repentance, ne pas s'aligner strictement sur l'histoire de France du FLN qui est pas tout à fait qui est une propagande de gouvernement, ce qui est tout à fait légitime de son point de vue, mais nous n'avons pas forcément à nous aligner dessus, et effectivement de sortir de la haine de soi qui est effectivement l'argument que nous sortent nos ennemis systématiquement quand on les critique, mais par contre nous devrions effectivement avoir comme idéologie la haine de soi permanente et systématique. Donc je suis pour la fierté et le non à la haine de soi pour tout le monde, y compris pour les Français. Ce qui est quand même le minimum dans notre pays, mais ça semble être un... Et j'ai pu constater par ce qu'on appelle la praxis chez nous, que présenté comme ça, il n'y avait aucun problème. Voilà, je vous le dis, je suis allé moi un jour donner une conférence au Valfouré à Mantes-la-Jolie, c'est ça, hein, qui est une des cités les plus chaudes avec Trappes et avec la cité des Bosquets. J'y suis allé tout seul avec ma moto devant 400 personnes. Je suis ressorti vivant. Ma moto n'a pas été touchée et je me suis présenté en tant que patriote français proche du Front National. Hein. Je veux dire, ça n'a posé aucun problème car j'étais identifié comme un Gaulois respectueux et respectable. Hein. De toute façon, il n'est pas de notre intérêt à aucun moment de faire le tapin devant qui que ce soit. Il suffit d'être fier d'être français et de défendre la France, cette France de l'universalisme français, pour être respecté par tout le monde. Je l'ai vérifié systématiquement et nous le vérifions encore aujourd'hui. Donc je n'ai aucun doute que cette ligne est une ligne qui fonctionne. Hein. Ce n'est pas un rêve et une utopie. Alors évidemment, je n'ai pas dit que tous les musulmans de banlieue voteraient Front National demain, ce n'est pas la question. Mais déjà, aujourd'hui, ils sortent du piège de l'antiracisme institutionnel, dont, je le dis bien, le rôle de l'antiracisme a été de créer de la haine raciale en France, et malheureusement, ils y sont parvenus. Et c'est une logique impériale. Et nous retrouvons à la tête de ces mouvements-là, les mêmes que nous avons vus aller foutre la merde en Serbie, en Bosnie, etc., Bernard-Henri Lévy, Kouchner, Finkielkraut de façon plus subtile mais encore plus perverse, ce sont toujours les mêmes qui font les mêmes saloperies partout. Je veux dire, c'est pas très dur à voir. Ça fait depuis 1969 que ce sont les mêmes qui vont foutre la merde partout, voilà, avec les mêmes méthodes. Donc il serait temps de réagir, voilà, tous ensemble. Merci à vous. De réagir en respectant effectivement les lois de la démocratie et les pâquerettes, hein, évidemment.